Cours Legendre accompagne la scolarité de votre enfant à domicile et en visioconférence avec nos cours particuliers par des professeurs de l'éducation nationale, nos stages intensifs de révision et nos classes préparatoires aux écoles de commerce. Retrouvez-nous sur cours-legendre.fr. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. Langage spontané, l'argot, langage populaire. Attention, ne pas confondre la langue populaire et l'argot. Et puis quel argot ? Les argots. Et puis il ne faut pas sous-estimer la possible académisation de l'argot. Un dictionnaire de l'argot n'a sans doute pas une durée de vie très longue, mais ne peut-on pas en dire autant de tous les dictionnaires perpétuellement en refonte ? À la fin des années 80, Olivier Germain-Thomas et ses invités évoquaient cette réalité populaire, cette contre-culture qu'est l'argot, mais aussi le fantasme bourgeois de s'en emparer. Tire ta langue, première diffusion sur France Culture le 4 janvier 1989. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z. Tire ta langue. Argot, mot d'origine inconnue. Ça commence mal. Ou plutôt bien, car cette première énigme en annonce d'autres. S'interroger sur l'argot, c'est s'interroger sur la norme. Or, chacun le sait, dans une langue, normes et usages se confondent et fluctuent au gré de l'évolution, c'est-à-dire de la vie. Le mot « fringue » n'est plus très « canaille », tandis que « connard », tout à fait déconseillé, n'a plus rien à voir avec son étymologie qui, pour d'aucuns, reste charmante. L'argot pose d'autres questions, également philosophiques. Qui le crée ? Quel est son usage ? Ne deviendrait-il pas obsolète à l'heure du nivellement de la société ? Pour répondre à ces questions et à toutes celles qui surgiront tout à trac devant nos micros, deux grands spécialistes S langue populaire, Jacques Sellard et François Karadec, nés chacun avec une cuillère d'argot dans la bouche. Nous entendrons ensuite des enquêtes menées par Yannick Pelletier qui nous entraîneront auprès de bouchers, de jeunes, d'une ancienne prisonnière et d'Evananska, autre spécialiste en jupon. Et nous entendrons enfin la très docte, très élégante chronique de Philippe Barthelet. Voici donc « Tire ta langue », l'argot proposé par Olivier Germain-Thomas dans une réalisation de Michel Dumontier. Avec une nouvelle collection chez Larousse, Le souffle des mots, un titre de vous, N'ayons pas peur des mots, et en dessous, Dictionnaire du français argotique et populaire. L'autre invité, Jacques Sellard, vous êtes aussi un grand spécialiste de cette langue. Vous aviez publié en 81, 2 ou 3, peu importe, en collaboration avec Alain Rey, le Dictionnaire du français non conventionnel, et plus récemment, l'anthologie de la littérature argotique des origines à nos jours, qui sont des bibles pour ceux qui veulent justement s'interroger sur ces fameuses langues non conventionnelles, parallèles ou argotiques. Première énigme qui a été posée, c'est le terme même d'argot, dont l'étymologie reste obscure. C'est assez intéressant. Karadec. Oui, vous venez de dire, d'ailleurs, on m'a présenté que j'étais né avec une cuillère d'argot dans la bouche. C'est pas forcément exact. C'est là où il faut un peu, justement, on va arriver à définir les choses. Je suis né dans un milieu bourgeois. C'était une formule. Oui, mais justement, ouais. Elle est intéressante parce qu'il y a l'argot, pour certains, est une langue maternelle. Pour moi, ne l'était pas. Ou du moins, c'était une langue paternelle. Parce que mon père avait fait la guerre de 14-18 et tous les anciens combattants, même quand ils étaient nés dans des milieux bourgeois, comme mon père, revenaient avec un argot, avec un langage qui était leur langage courant. Leur langage familial était un langage qui comprenait énormément de mots d'argot. Qu'ils avaient appris sur le tas, c'est-à-dire dans les tranchées. Moi-même, ensuite, bien, j'ai eu la chance de faire la guerre suivante, chacun la sienne. Et donc, là aussi, je me suis trouvé mêlé à des milieux qui n'étaient plus pas du tout... qui n'étaient pas du tout ceux de mes camarades de lycée. Et donc, spontanément, je me suis trouvé à employer d'autres mots, et je les emploie couramment. C'est-à-dire que je n'arrive plus à savoir si j'emploie l'argot, dont l'origine, me dites-vous, est obscure. J'emploie un langage spontané. J'estime que pour moi, l'argot est spontané. Je pense que pour Sellard, d'ailleurs, c'est un peu la même chose. Oui. Il est spontané ou il n'est pas. Actuellement, par exemple, je suis en train de m'exprimer en un langage où même j'ai l'impression que je marque les négations, alors que les négations n'existent plus dans la langue parlée. C'est largement une affaire de situation et d'interlocuteur. Je veux dire par là que on a plaisir, François Caradec comme moi, comme bien d'autres, on a plaisir à retrouver le côté charnel, poétique, vivant, puis drôle de l'argot. Quand ça n'est pas pour faire une frime, une épate quelconque, c'est-à-dire quand c'est en face de quelqu'un qui répond à ça, qui accepte et qui répond, sinon c'est très artificiel. On essaie de cacher son fond de culture petite bourgeoise en disant bah ouais, mais je parle argot. Moi, je suis un peu dans la situation de Caradec, famille parisienne, la même chose, le père revenu de la guerre, mais il y avait des tranches très très nettes à l'intérieur de la famille. Une partie de la famille, le clan familial, avait une conscience très nette que c'était l'argot et qu'on ne devait pas. Et une autre partie, au contraire, disait, bah oui, mais enfin, moi, quand je descends faire mes achats, faire mon marché, Faubourg Saint-Denis, je suis bien obligé, sinon j'ai l'air d'un imbécile ou d'une imbécile. Est-ce qu'on peut établir une différence entre langue populaire et l'argot? Est-ce que l'argot est une sorte de sous-groupe d'une des langues populaires, autrement dit? C'est une question de définition, je vous vois sceptique de Oui, on peut dire, on faut employer, langue populaire, d'ailleurs, vous savez que là-dessus, j'ai quand même des doutes sur le mot langue populaire. On peut pas douter de tout non plus, là, Disons que l'argot, dans le fond, ce sont des langues de l'argot est la langue d'un milieu fermé, donc il peut y avoir plusieurs argots. Il peut y avoir autant d'argots que de milieux qui ont besoin de communiquer. Il y a un groupe qui a besoin de communiquer, on a besoin de communiquer à l'intérieur du groupe, mais également on sent la nécessité de ne pas être compris à l'extérieur de ce groupe. Alors à ce moment-là interviennent tous les jargons, si vous voulez, tous les jargons qui sont des jargons de métier même aussi, finalement, et qui créent finalement une certaine cohésion de groupe. Mais il y a un fond commun très large, c'est-à-dire il y a un stock, et il faudrait une fois pour toutes... Pouvons continuer à parler de langue parce que c'est plus commode. Ça, c'est pas du tout une langue, La syntaxe de l'argot, c'est la syntaxe du français populaire. Là, la base est unique. La phonétique, dans la mesure où l'argot ne se comprend qu'avec un accent faubourien, tout ce qu'on veut, etc., c'est une phonétique du français. Il n'y a aucun problème. Il s'agit bien d'une variante qui porte sur le vocabulaire d'un français qui est beaucoup plus général. Alors, le français populaire, lui, fonctionne bien. C'était fondamentalement un français parisien. Mais alors, à l'intérieur de ça, il y a des argots, effectivement, professionnels. Il y en a 3, 4 ou 5 grands argots professionnels connus, qui sont celui de la casse, du truand, du malfrat, l'argot de la casse. Qui est le même pour la police. Le casseur, il a besoin de savoir que une plume, c'est quelque chose de spécial pour lui. Il y a l'argot du camelot, avec son coup de casque, etc., qui avec la drouille. Alors, on peut ronger, je pense, ensemble, François, l'argot du camelot, l'argot du brocanteur. L'argot de la brocante, l'argot de la fourgue, etc. Donc, c'est encore un autre groupe. Il y a, bien entendu... l'argot du tapin, qui est important, qui comprend des mots qui ne sont pas dans les deux autres, et toujours avec une sorte de fond commun. Et puis alors, l'argot des louchébèmes, c'est plus spécial. Et puis l'argot de polytechnique, alors qu'est-ce que le mot peut signifier quand on voit qu'il s'est constitué au fil des décennies... Décennie, ça n'existe pas en argot. Que c'est ce truc-là? Ça mange quoi en hiver, ce mec? Enfin, des décennies, n'est-ce pas? Il s'est constitué. Vous n'êtes pas obligé de parler argot du début jusqu'à la fin. Un argot de l'X, un argot de polytechnique. Si c'est-à-dire un argot qui n'a rien à voir avec le milieu populaire, mais radicalement rien. mais qui a donné tout de même un dictionnaire. Alors le mot est très très très ambigu. Je dirais vocabulaire populaire à origine et à résonance argotique. C'est, on peut guérir plus loin. C'est alors intéressant de voir que votre dictionnaire, écrit donc en collaboration avec un arrêt, s'appelle Dictionnaire du français non conventionnel. Vous n'avez pas voulu mettre le terme argot. On l'appelle d'ailleurs le non-con. Le non-con. On l'appelle le non-con. Ce qui est plutôt flatteur, d'une certaine façon. Et, ça m'arrange. Et le mot de Kardec, en gros, c'est n'ayons pas peur des mots. Donc vous ne mettez pas argot comme ça sous les. Non, j'ai mis dictionnaire du français argotique. Mais je ne pense pas que l'argot. Le véritable argot demanderait justement des sections, alors qu'exactement, comme on vient de le dire, demanderait d'être classé par section. Il y a un chapitre à la fin de votre ouvrage à écrire, c'est Jacques Sellard, qui m'a semblé intéressant, c'est celui où, à partir d'un mot, disons, de la langue conventionnelle, donc celle, grosso modo, que nous employons quand même ce soir, pour me faire plaisir, je vous en remercie, sinon je nagerai complètement. Oui. Donc, à partir de cette langue-là, vous nous donnez l'entrée pour aller trouver le mot argotique. Alors immédiatement, donc mon esprit statisticien a essayé de voir quels étaient les termes qui étaient les plus traduits, en quelque sorte. Et ça retombe d'ailleurs à peu près sur ce que vous veniez de dire tout à l'heure, sur les différents milieux qui les utilisent. Alors je vais en donner quelques-uns. Donc on découvre tout de suite, pardonnez-moi pour le premier, bon, enfin je suis professionnel, anus. Alors effectivement, donne toute une série de termes en argot. Argent, boire. Ce sont les mêmes d'ailleurs, l'anus et l'argent. Coït, coïté. Coup. Alors à ce moment-là, on passe de l'éros au côté malfrat. Femme. Alors la femme, je crois que c'est peut-être le plus long. Enfin, je n'ai pas fait la statistique complète, mais c'est celui qui donnerait donc le plus de termes argotiques. Fille, fuir, homme, moins que femme. Moins que femme. Hein. Alors, ce sont les hommes qui fabriquent l'argot. Oui. Le langage d'homme, oui. C'est le langage d'homme. Donc il... Homosexuel, pas mal. Individu, assez drôle qu'un individu permet effectivement toute une série de traductions. Manger, nourriture. Et la boisson aussi. Très, très peu pour mourir, et par contre beaucoup pour tuer. Ça, j'ai trouvé ça assez amusant, significatif. Hein, les morts ne parlent pas, hein, sont les assassins qui gardent la parole. Bon. Oui, mais ça montre que c'est quand même peut-être une langue assez active. Il y a, peu de mots. On va au charbon, comme mourir, disait le Premier ministre. Mais ce peu est tout à fait remarquable. Un peu sinistre, mais c'est même pas sinistre, au contraire, ça désamorce le truc. Si on dit de quelqu'un, Gégène, mais mon pote, mais d'où tu viens? Ça fait 2 ans qu'il a tourné le coin. Bon, c'est vraiment le passage de la mort dans un domaine. On tourne le coin, il faut pas en faire oui. une affaire. Les euphémismes, oui, sur la mort, ce sont toujours des euphémismes parce que. C'est une chose dont on parle pas, quoi. Enfin, c'est. Par contre, pour tuer, c'est plus direct, et puis la quantité est importante. Alors, je continue ma petite liste. Peur, beaucoup. Donc, effectivement, ça prouve que les gendarmes sont parfois efficaces. Posséder, prostituée et proxénète. Bon, bien sûr, le couple, rien. Assez amusant. Sexe, tête et voler. Voilà donc ceux qui sont le plus souvent, en réalité, traduits en argot. François Kardec, le principe de votre livre, N'ayons pas peur des mots, c'est de nous offrir un ensemble assez varié, puisque vous nous offrez à la fois un dictionnaire, donc alors qu'il y en avait déjà un certain nombre. Oui. Pourquoi recommencer un dictionnaire de l'argot? Il y a celui donc de Sellard Héré, et il y a celui que je voudrais citer également, d'Auguste Le Breton, Argoté, Argoté, oui. Il en restera toujours quelque chose. Vous nous offrez un petit morceau d'anthologie, il y en avait déjà, et vous nous offrez aussi des chapitres qui sont par catégorie professionnelle. Oui, pourquoi ce sont des choix thématiques. Enfin, pour remarquer, on a fait tous un peu la même chose. Mais là, je peux vous dire que c'est un dictionnaire que j'avais fait il y a déjà 12 ans. Et il était... Là, vous ne le dites pas si nettement. Hein. Ah ben moi, je vous le dis en tout cas. Oui, merci. Ouais, merci. Non, mais je le savais. C'est un dictionnaire que j'avais fait il y a 12 ans. Ma remarque se voulait malicieuse. Dans une collection. Je vous laisse continuer. Il était devenu complètement obsolète, comme on dit aujourd'hui dans un mot d'argot. Il était parce que la langue bouge énormément et pour moi c'est très très rassurant si vous voulez. C'était un dictionnaire que je mettais tranquillement à jour de temps en temps, mais j'ai eu besoin d'une refonte totale parce qu'il y avait des mots qu'il fallait chasser. Je ne pouvais tout de même pas garder certains mots comme par exemple, on les appelait-on déjà les pervenches, on les appelait les aubergines, oui, c'est ça. Je ne vais pas garder le mot aubergine. Elles ont changé de couleur à cause du nom, d'ailleurs. Mais oui, mais bien sûr, c'est sans doute à cause du nom qu'elles sont devenues les pervenches, mais il y a des mots qui disparaissent. Vous voulez une page des mots d'argot fossile, effectivement, il y a j'ai cité quelques mots d'argot fossile pour montrer que ce sont des mots qu'on trouve dans les... dans les œuvres littéraires, dans les textes littéraires. Un avion du plan, effectivement, la cage à poules ne nous concerne plus guère. Non, ça, ce sont des mots de la guerre de 14. C'est plus du tout, ils sont plus du tout employés. Même le zazou, si vous voulez, le zazou est un mot obsolète, qui était un mot populaire, mais pour moi, il est un mot. Oui, c'est ça. Donc, nécessité de réactualiser en quelque sorte cette langue dans la mesure où elle se renouvelle. De langage parlé, si vous voulez, autant que possible à jour aujourd'hui. Malgré tout, je me suis énormément méfié. Ce sont des mots que je n'ai pas relevés uniquement dans la presse, ou quand j'en ai relevé dans la presse, j'ai toujours essayé de les contrôler, et on peut toujours les contrôler. Il y a des quantités de lieux pour ça. Il y a les sorties d'école, il y a les bistrots, il y a le métro, il y a des quantités d'endroits où on peut contrôler l'existence d'un mot. Et puis on peut en parler aussi à des gens qui l'emploient professionnellement. On leur dit, est-ce que tu emploies réellement ce mot-là? Parce que il faut se méfier énormément des modes, si vous voulez, des nouvelles modes qui sont constamment lancées par des gens qui, dont le métier, c'est de lancer la mode, c'est-à-dire des journalistes la plupart du temps. Oui, mais autant il y a des observateurs pour les mots de la langue, disons, normative, normale, celle que nous utilisons, autant il y a peu d'observateurs pour ces mots-là. Donc, à partir de quand décrétez-vous que un mot nouveau que vous avez entendu à droite, à gauche, peut entrer dans un dictionnaire? Je vous pose la question à vous, Kardec, aussi bien c'est là. Oui, s'est posé aussi pour votre dictionnaire de fonction professionnelle. La réédition, Quand il tient le coup pendant 2 ans, à mon avis. 2 ans, c'est une bonne chose. C'est d'ailleurs le même critère que j'ai pour un prix Goncourt, si vous voulez. Exactement. Si on en parle encore pendant 2 ans après, c'est que le livre n'était pas si mauvais qu'il en avait l'air. Mais s'il est oublié au bout de 3 semaines... S'il est oublié au bout de 2 ans, c'est réellement, il valait pas. Soyons pas méchants, mais... Oui, mais je ne la regarde pas. Qui ont tenu pendant 10 ans et qui sont complètement oubliés aujourd'hui, là, je vous trouve bien optimiste. Que deux ans, c'est un signe de qualité. On a une vérification. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'avec Alain, Ray, on avait décidé, j'avais décidé avec beaucoup de netteté, rentre pas dans ce dictionnaire un seul mot dont je n'ai pas au moins 2 ou 3 attestations écrites de bonne convenable. Oui. Ah, écrites. Alors absolument. À ce moment-là, vous entrez dans un autre registre. Ça rejoint ce que dit François, parce que dit Kardec. Celui qui écrit n'est pas forcément celui qui parle. Il n'invente pas un mot pour l'écrire s'il ne l'a pas parlé ou entendu parler. Or, les probabilités, le calcul des probabilités, si on veut, est tel que tout mot qui a été employé pendant un an et demi, deux ans, mettons, employé de façon suivie en langage parlé, apparaît nécessairement dans des textes écrits. Voilà. Donc là, on est certain. Quand un mot revient dans des textes écrits, c'est qu'il est ancré dans le langage parlé. Alors inversement, le même mot va pouvoir rester pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans dans des textes écrits, alors qu'en fait, dans l'usage, il est abandonné. Il est déjà abandonné, oui. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé dans les années 50. Il y a eu énormément. Il y a eu une vague, c'est dans les grandes époques de l'argot. Il y a eu une grande époque de l'argot dans les années 50. C'est la série noire aussi, parlons-en si vous voulez. La naissance de la série noire correspondait à quelque chose. Et le langage de la série noire, bien souvent, a ressorti des mots, les auteurs de séries noires ou les traducteurs ont ressorti des mots ou ont employé des mots qui maintenant nous échappent complètement, ou du moins ne sont plus du tout parlés. Ils sont écrits, mais ils ne sont plus parlés. C'était d'ailleurs une des choses dont se méfiait énormément Queneau. Il s'est trompé quelques fois, d'ailleurs. Il s'est trompé. Vous le montrez à plusieurs reprises. Oui, il a cru que la langue parlée allait remplacer la langue écrite. Et puis, il y a plusieurs erreurs que vous dénoncez dans votre préface. Je n'ai pas dit mes fautes, pardonnez-moi. Messieurs, donc, je crois que maintenant, le mieux, c'est de passer à l'acte, c'est-à-dire d'entendre cet argot. Nous allons entendre un des argots importants, puisqu'il est parlé par un milieu spécialisé. C'est par les boucherons. Et ça s'appelle le louche-bem. Et nous allons entendre aussi également, dans cette enquête menée par Yannick Pelletier, quelques enfants qui essaient aussi d'avoir un langage parallèle pour ne pas se faire comprendre des adultes. La louche-bem, c'est l'appréciation, c'est le nom boucher, louche-bem. Voilà. Ça se construit comment? Vous mettez le L à la place du B, puis M au bout, ça veut dire louche-bem. Voilà. Dans quelle situation le louche-bem était-il employé dans les boucheries? Le patron employait cet argot, comme on appelle l'argomuche, en général pour commander un morceau de viande à son commis ou à son employé pour ne pas que la cliente comprenne. Voilà. Hein, un rumstaga ou ou un rhum steak parisien, ou, hein, ou la pointe du renflard, ou autre chose, et puis la cliente était toujours contente. Maintenant, c'est impossible, parce qu'on ne peut plus vendre un morceau pour un autre. Hein. Okay. En ce temps-là, on pouvait encore. Et puis, il y avait le dialecte aussi dans les halles, tout le monde se parlait comme ça, mais généralement, on était interdit de le parler en boutique devant la clientèle, entre employés, quoi. Ça faisait pas très joli. Vous arriviez le matin et vous disiez le montier la vaisselle, le siamik. Bon, ça veut dire comment tu vas, mon gars, hein? Voilà. Bon, alors, l'herbe, t'as la mfuche, et ta petite femme, quoi. Les machins comme ça. Quoi. Bon, c'était rigolo, quoi. Et beaucoup, les au pied de cochon, autour, tous les gars, ou chez Badier, dans le temps, dans le coin, là, qui est toujours un quartier sympathique, eh bien, tout le monde parlait un petit peu comme ça. C'était sympathique, quoi. C'était bien. Et beaucoup de gens, et surtout les touristes, adoraient voir ça. Malheureusement, le quartier des Halles, maintenant, c'est plus le même, il est mort, quoi. Hein? Ah oui. On aimait bien s'y promener, même le dimanche. On y était la semaine, on venait encore se promener le dimanche. Ah oui. Malheureusement, il n'y en a plus. Ouais. Il y avait des gars, quand ils s'empoignaient un petit peu, ils disaient le du ou l'encaisse, ou... Hein? Ah ben, d'accord. Voilà, c'est tout. Puis il y avait toujours, les, comme il disait, il y avait les petites lutins pem du coin qui venaient boire un, même à Loutier, quoi. Hein? Ouais. Enfin, c'était gentil. Et ces gars-là, les Fordéales et tout ça, étaient bien avec tout le monde, même avec les demoiselles du coin. Jamais de problème. On le parle comme ça entre collègues quelquefois, mais ça se perd. Ça se perd, oui. Je veux dire, c'était, à ce temps-là, c'était le bon ton. J'ai commencé là, j'étais jeune. Ça arrive quelquefois de retrouver des vieux et on les reconnaît tout de suite. Les vieux du fort des Halles. Vous les reconnaissez à quoi? Ah ben, ils sont un petit peu voûtés hein, d'avoir porté des tonnes et des tonnes. Ouais, les petits jeunes, maintenant, ils ne feraient plus ce boulot-là. Comment est-ce que ça s'apprenait, le louche BM, en fait? Sur le tas? Ah, sur le tas, oui. Sur le tas. Il n'y avait pas d'école pour ça. Il n'y avait pas d'école. Ouais. Enfin, c'était le bon ton. Un gars, il dit, il y a quelque chose qui ne va pas, ben, il dit, c'est de la l'air de mûche, quoi. Vous voyez, un morceau qui n'est pas beau, où il n'est pas lobé charesse, il n'est pas lobé, il dit, c'est de la l'air de mûche, quoi. Hein? Alors, voilà, c'est toujours des expressions, bon, ça arrive quelquefois, malheureusement. Enfin, des expressions, où plutôt, quand on était dans les Halles, on voyait une demoiselle, c'est pareil, on lui parlait un petit peu comme ça, ou les étrangers, pour pas qu'ils comprennent, quoi. Hein? T'as un beau petit Lucas ou un petit machin comme ça, quoi. Est-ce que, bon, bonjour, des choses comme ça, c'est... Ouais. Ça se disait, oui, bonjour Bem, le Siamik, bonjour madame. C'était pas. Moi, j'en ai un patron dans le temps, il voulait qu'on lui parle comme ça le matin. Il voulait qu'on parle comme ça le matin? Ouais, on était rue du... dans le 18e, la rue de Jean, et il était sympa. Ça lui rappelait peut-être son jeune temps, quoi. Ouais. Il était content. Puis après, devant la clientèle, on parlait correctement, quoi. Alors, comme ça, on se perfectionnait encore un petit peu, quoi. Ça fait un peu comme sur les marchés à poissons avec leurs gestes ou les machins pour donner le prix ou le kilo ou l'arrivée de la marée ou autre chose. Eux, ils parlaient comme ça, quoi. Les poissonniers, ils ont un dialecte aussi sur les ports. Hein. Et le louche-bème, ouais. C'est quelque chose qu'on parlait spécifiquement sur... Ah bah, dans les... Ah non, non, Paris, Paris. Paris, oui. Ouais. En Provence, bon, c'est parti parce qu'il y a des bouchers de Paris qui ont comment, déménagé et qui sont partis en province. J'en ai vu une fois en Ardèche. Il était en train de parler louche-bème... dans un rayon de viande, dans une grande surface, alors manque de peau, il est mal tombé, parce que je lui dis, moi j'ai le nez qu'à Saint-Levé aussi, le siamik, le manqué, la vassée, elle me dit quoi? Ah bon, d'accord. Elle me dit, ça va, j'ai compris, on est du bâtiment, on savait, la même confrérie. Il croyait vous mettre un petit, ben non, manque de peau, quoi. Voilà, c'était des petites choses comme ça. Ouais. Mais vous parlez vraiment bien. Ouais, il était tombé sur un manche, quoi. Alors on était ben, un petit louquier après, quoi. C'était boire un petit loutier. Et loire même un loutier, boire un coup. Quoi. Voilà. Et puis voilà, on a fraternisé. Puis quand on est en vacances, on se dit bonjour. Voilà, ça fait un copain là-bas dans l'Ardèche. C'est comme ça qu'on fait des copains. Tu aves où? Wam, je aive au Chemar. Tu vas où? Moi, je vais au Chemar, au marché. Et toi, tu as appris à parler l'argot où? Dans les rues aussi. Avec tes copains? Oui. Et qu'est-ce que tu sais dire en argot? Jourbon. Voiture, tu revois. Un homme beau m'accompagne dans une... Tu revois Ça veut dire un bonhomme m'accompagne dans une voiture. La hure et le baie, la rue et le baie est belle. Quand est-ce que tu parles verlan? Quelquefois avec des copains. Sort de nous, ça sort... c'est sur le bout de la langue, on les sort comme ça. J'ai des grands copains, ils ont 18, 17 ans. On parle des fois, ils voient exprès. On dit bonjour, jour bon, on dit plein de trucs. Les ratlis, les meufates, ça veut dire les meufs, les filles. Il y a plein de mots qu'on parle. T'as vu la raclis? Putain. Ça veut dire? La meuf, la fille. Venez, on va faire les secours. On dit venez, on va faire les secours. Ça veut dire venez, on va faire les courses. Et dans quel cas vous parlez verlan à l'école, non? Pas se faire l'école, surtout à l'école. Entre amis, voilà, on parle à l'école comme ça. Si on veut dire comme ça, on dit ça comme. Oh. Ouais, ça comme. Oh. Comme ça, on dit ça comme. C'est pas un leurre-leurre, la suite. Le Kiamé là-bas. Moi, depuis tout à l'heure, il regarde des mecs. Yeah, là, peut-être quoi, là? Non, j'ai dit, regardez... Si c'est pas un leurre, un contrôleur. C'est un contrôleur. Un contrôleur. D'accord. Bon, alors avec le Bouchot au début, avec ces jeunes de Bobigny, on voit bien une des fonctions de ces langages parallèles ou de ces langages dits argotiques, c'est de ne pas se faire comprendre des autres, soit pour refiler effectivement de la mauvaise bidasse à la place de la bonne, soit pour ne pas se faire comprendre des adultes. Cela dit, tout cela est relativement fragile, parce qu'à partir d'un certain moment, notamment dans le cas du verlan, tout le monde comprend maintenant. Il y a 4-5 ans, c'était amusant, on pouvait être surpris, maintenant tout le monde le comprend. Parce que là, je me permets, je prends un peu le chromis parce que je devrais vous lire pas un petit peu de tout ça. Hein. L'idée de ce que les gens en Sorbonne, puisqu'il y a maintenant un centre, une UER d'argotologie, je ne sais pas pourquoi ils ont... C'est peut-être inquiétant. C'est un signe de mort, ça. Ouais. Quand l'argot entre en Sorbonne, c'est qu'il n'y a plus d'argot. Pour la peine d'insister, ce sont des gens que j'estime beaucoup par ailleurs. Bon, il ne faudra pas confondre la fonction, ce que les universitaires appellent la fonction cryptique de l'argot, ce n'est rien à côté de sa fonction ludique, c'est-à-dire la fonction de jeu. Parce que si c'était une fonction cryptique, on ne comprendrait pas. Par exemple, tout à l'heure, vous avez gentiment donné des relevés, dire voilà les mots qui apparaissent le plus souvent avec des synonymes argotiques. Évidemment, une femme, c'est une femme. Or, en argot, ça peut être 25 ou 30 mots différents. Mais il y a des exemples beaucoup plus étranges. Il y a 15 mots pour désigner des chaussures en argot, qui sont des synonymes à peu près. Il n'y en a pas un seul pour désigner les gants. Donc, il n'y a pas de fonction cryptique, parce que de fonction de cacher, s'il fallait cacher qu'on parle de chaussures, il y aurait un mot bizarre, les surchausses, par exemple, que tout le monde comprendra en 5 minutes. Qui est-ce qui est le mieux informé? Qui était, quand ça marchait encore, qui était le mieux informé de toutes les nouveautés en argot? T'es le poulet à tous les coups. T'es le flic. L'ABC du métier de flic, c'est d'être incollable en argot, imbattable. Ils ont fait des dictionnaires d'argot. Donc, la fonction cryptique, cacher ce qu'on dit, hein, c'est très, très... C'est assez limité, à votre avis, c'est pas l'essentiel. C'est pas réel. L'essentiel, c'est la fonction ludique, c'est-à-dire le jeu. Les gosses, ils parlent verlan. C'est beaucoup plus un jeu, parce que l'idée que leur prof ne le comprendra pas, ils se comprennent entre eux, leur prof le comprend, ça va de soi. Enfin, c'est un peu quand même l'idée, sans forcément que ce soit un langage codé, c'est quand même un petit peu l'idée aussi de se distinguer des autres, d'être un peu différent des autres, de s'affirmer différent. Ah, oui, mais ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est réellement défendre un groupe. C'est réellement, d'ailleurs, c'est ce que disait le boucher. Enfin, et il trouve un autre, il trouve un vieux copain, ou du moins quelqu'un qui est de la même. Et tout de suite, ça devient son ami. Et ils vont boire à Louquet, quoi, évidemment. Parce que c'est un signe de reconnaissance, dans le fond. Alors, ce qui est frappant aussi chez le boucher, c'est qu'il en parle à l'imparfait. C'est il fini, parle, dit-il. Oui. Bon, ce qui n'est pas exact. Alors, c'est un point important. C'est fini aussi. Il y a des raisons géographiques parce que là, nous ne sommes plus au cœur de Paris, que cet homme, bon, n'est peut-être plus tout jeune. Oui, plus. Mais la Rungis, on en parle encore. Aussi nettement que. Je n'en sais rien parce que. Écoutez, je ne peux pas vous le dire parce que maintenant. C'est difficile. Jacques Sellard et moi, nous étions des habitués des Halles, forcément, comme tous les Parisiens un peu noctambules. Et donc là, nous pouvions nous mêler à tout. Et nous pouvions, au même zinc, avoir avec nous des forts des Halles, ce qui arrivait tout le temps, d'ailleurs, comme il le disait lui-même, d'ailleurs, le boucher. On se retrouvait dans les mêmes bistrots. Et maintenant, évidemment, nous n'avons pas du tout envie d'aller à Rungis. C'est un coin sinistre. Ciré, là, dans cette galère. Hein, mais ce que je remarque pour le Louchet Bem, là, et qui confirme encore que c'est pas uniquement pour cacher, c'est pour jouer, c'est que il a bien démonté le mécanisme. Hein. Oui. On prend la lettre initiale de Boucher, ça fait B. Hein. On la remplace par un L, ça fait Loucher B. Si c'est jargon, c'est l'argon J. Hein, ça va de soi. Mais ensuite, on rajoute un petit quelque chose, un petit rien, qui n'a aucune espèce d'autre fonction que de s'amuser, parce qu'il a parlé de sa femme, il dit « Malème fuche oui. ». Ben oui, ma femme, c'est Malème F, hein, femme, etc. Mais c'est la lème fuche. Il a parlé de... Oui, il y a un suffixe qui est très libre. Il y a un suffixe qui est très libre. L'exemple le plus illustre hein, que François Kardec connaît très bien, bien sûr, bon, c'est « fou ». Un fou oui. en l'argongie, plutôt, disons, en l'argongie plutôt qu'en Louchet Bem, c'est un louf. Oui. Mais ça suffit pas, ça devient un loufoque. Bien un moment, tout le monde s'amuse avec loufoque et ça n'est plus ni du largongie, ni même de l'argot. Il est au bout du loufoque, ce gars, c'est du gentil français. Et alors la question de savoir si vraiment l'argot a autant de vitalité qu'il en avait par exemple dans les années 30, puisque les années 30 on en a le reflet à travers la littérature à cette époque-là, effectivement de nombreux ouvrages étaient publiés, vous avez parlé tout à l'heure Kardec aussi des années 50-60 avec la série noire, les romans policiers, on a l'impression là au début des années 90 que l'argot est quand même moins de vitalité qu'il y a une ou deux générations. D'ailleurs, c'est ce que vous dites, Kardec. Ah oui, moi, personnellement, je pense que l'argot... écoutez, vous citiez vous-même tout à l'heure un Premier ministre qui, en pleine cohabitation, pour montrer quelle était la différence du travail du Président de la République et du Premier ministre, disait « Moi, je vais au charbon ». Bon, quand M. Chirac a dit « Moi, je vais au charbon ». Alors ça, c'était Barre, que vous avez cité dans votre préface. Non, c'est Chirac qui disait ça, pour bien distinguer. Non, non, Barre, c'est autre chose, c'était le bras d'honneur. C'est ça, c'est dans les gestes. Mais il y a... Chirac, il y en a une assez bonne que vous rappelez oui, aussi. Oui, il y en a d'autres. Ah oui, il y en a d'autres. Qui est de cabinet. Ou intraduisible, bien sûr. Intraduisible en anglais. En tout cas en anglais. Ou en tout cas en langage diplomatique. En langage diplomatique. Oui. Bon, donc vous voulez dire par là que c'est à partir du moment où les premiers ministres l'utilisent, écoutez, je rappelle que j'avais cité, je me souviens avoir été tenu de citer il y a 12 ans dans la première édition de ce dictionnaire, qui était sous une autre forme, dans la première édition, je citais le cas d'un préfet qui, on l'avait entendu à la radio, on l'avait pas vu à la télévision, mais on l'avait entendu à la radio. Ça avait fait un esclandre, d'ailleurs. Ça avait fait un esclandre, avait dit, tu vas te faire piquer et quand? Un voyou. Et ça avait créé un scandale. Quand, 10 ans après, Monsieur Chirac dit « je vais au charbon », ça a fait peut-être sourire quelqu'un, mais ça n'a absolument pas créé de scandale. Donc, il s'est passé en 10 ans, là, il s'est passé quelque chose de fantastique, si vous voulez, de francisation de l'argot. Enfin, de l'argot, maintenant, enfin... Justement, quand on emploie le mot argot, ça, on semble toujours employer dire qu'on va employer un langage de voyou. Mais non. Mais non, un Premier ministre, récemment d'ailleurs, son successeur, a dit, a employé le mot, le verbe se planter. Tout le monde l'emploie maintenant. C'était pas très méchant non plus. C'est pas méchant, mais se planter est un mot qui était considéré il y a 10 ans comme un mot d'argot. Maintenant, il l'est plus. Ouais, donc alors, on poursuit votre raisonnement. À partir du moment où des gens qui doivent représenter une langue plus normative utilisent les termes d'argot, ça veut donc dire que l'argot n'a plus sa fonction. Bah, il entre presque dans le dictionnaire de l'Académie. académie, si vous voulez. Là, il s'académie. Et ça veut dire inversement aussi que les classes populaires donc parlent le langage du Premier ministre. Mais je ne vois plus pourquoi il y aurait des classes populaires. Ça aussi, c'est une chose qui me gêne beaucoup. Là, et vous l'entendez tout à l'heure, le Boucher citait deux quartiers de Paris. Il citait le 18e. Et il citait les Halles. Et en effet, c'était deux quartiers qui étaient des quartiers populaires, qui maintenant sont des quartiers rénovés. Et je ne sais pas si vous connaissez le prix du mètre carré dans les quartiers rénovés, mais ce n'est pas des quartiers populaires. Il reste des banlieues, cher monsieur. Voilà, il reste des quartiers pauvres. Voilà, on les chasse en banlieue. C'est moins dense, hein. Mais c'est les banlieues sont centrifuges. Les Halles étaient centripètes, je veux dire. Oui, par oui là c'était que les Halles. Enfin, les banlieues, c'est très éclaté. Il y a le problème, des médias aussi, qui fait que chaque soir, c'est la même langue qui arrive sur la tête des Américains. Également. Remarquez que le Boucher, il est très heureux de parler en l'argongie, de reparler, etc. Pour lui, effectivement, c'est du passé. Mais quand il parle de... Et elle est à son époque, donc il y a 20 ans, 30 ans. Quand il parle de ce qu'il y avait au Halles à l'époque, il dit les demoiselles du coin. Oui, oui. Il est très distingué. Bien, oui. Il est très, très distingué. Il ne dit pas les putes. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas pensable de sa part. Hein. Mmh. Un bourgeois peut le dire, ou une bourgeoise. Oui. Bon, c'est assez répugnant. Mais pas lui. Pas lui, je veux dire par là qu'il y avait un respect réciproque. Absolument. Personne dans les milieux populaires, quand ils existaient, n'a jamais utilisé l'argot pour humilier le voisin ou pour se faire valoir. Ça n'existait pas. Donc ça. Vous nous aviez rappelé que vous aviez vous-même observé l'argot en vous promenant au Halles. Je ne sais pas si vous l'avez observé au sein de la prison. C'est pour cela que cette enquête va doublement vous intéresser, d'autant plus que la personne qui va parler a elle-même fait de la prison. Il existe en prison, bien sûr, l'argot, d'une part, parce que les gens qui se trouvent en prison sont des gens qui sont issus de milieux sociaux, qui sont ceux qu'on retrouve dans la rue. Donc, depuis leur enfance, ce sont des enfants qui ont eu l'habitude de parler le verlan, l'argot. Donc, c'est un langage qu'ils utilisent en prison. C'est une façon pour eux de se reconnaître entre eux, c'est un code, et en même temps c'est une façon de ne pas être compris de l'administration, des visiteurs et des matons en particulier. Bon, matons c'est typiquement des termes d'argot de la prison. Bon, alors ça va être par exemple, ils vont parler de cache-bras pour braquage, pour pas se faire comprendre. Donc le verlan, donc inverser les syllabes. D'ailleurs, parfois elles ne sont pas inversées l'ordre des syllabes n'est pas respecté à l'envers, mais il mélange les syllabes pour que le mot soit encore plus incompréhensible. Alors, d'autre part, il existe une autre forme d'argot qui elle apparaît en prison pour désigner des choses ou des événements ou des gens qui sont en prison. Par exemple, un pointeur, c'est un violeur. Ou quand un détenu parle à un autre en lui disant un tel est un pointeur, ils savent tout de suite que c'est quelqu'un à mettre à l'écart. Quelqu'un qui est là pour affaire de mœurs. Il y a le maton qui est le surveillant. Il y a les tinettes pour les chiottes. Il y a toute une série de mots comme ça qui désignent leur univers. Je pense à un mot qui revient très souvent dans les conversations, les cantines. Cantiner, bon, un néologisme qui désigne l'action d'acheter avec son propre argent le surplus vendu par l'administration pénitentiaire. Langage qui était utilisé au départ uniquement par les détenus et qui maintenant est un terme reconnu par l'administration pénitentiaire et qui figure dans les règlements. Alors l'argot est aussi utilisé pour désigner des lieux de la prison dans lesquels les détenus circulent, par exemple les coursives, qui est un terme emprunté à la marine, mais qui désigne les couloirs extrêmement étroits qui bordent les cellules. Mitard aussi, qui désigne la cellule d'isolement, de cachot, dans laquelle sont enfermés les détenus punis. D'autre part, il y a des mots dont le sens a évolué au cours du temps. Par exemple, condé, qui au départ désignait l'autorisation délivrée par la préfecture de police pour un détenu interdit de séjour dans un département. C'était une autorisation qui lui permettait de circuler dans ce département. Et depuis, le sens a évolué et on le retrouve aujourd'hui qui désigne le flic lui-même. D'autre part, des expressions que les détenus utilisent entre eux comme code, par exemple faire le canard. Quand un détenu conseille à un autre de faire le canard, ça veut dire que il lui conseille de, alors que jusqu'ici il était insoumis par rapport à l'administration, de se montrer soumis en apparence pour obtenir des grâces et des remises de peine, tout en gardant ses idées et son autonomie dans sa tête. Et un terme d'argot que les détenus utilisent souvent, c'est s'accrocher, c'est-à-dire se pendre. Pourquoi s'accrocher ? Parce que c'est le moyen le plus sûr de ne pas rater son suicide. Comme autre expression, faire le yo-yo. Les détenus sont séparés. En principe, les promenades se passent entre détenus d'un même étage, ou ils vont voir la télévision entre détenus d'un même étage. Donc, il n'y a pas de contact entre deux étages. Et souvent, le soir, quand les portes des cellules sont fermées, c'est le seul moment que les détenus de tranquille, où ils savent qu'ils échappent un peu à la surveillance. Entre deux étages, il y a un système de yo-yo avec une corde qui se balade, où ils vont se passer des messages, ou se passer des cigarettes, ou de la bouffe, etc. entre eux. Donc ça s'appelle faire le yo-yo. Une question impossible maintenant, François Kardec, c'est celle que je préfère. Comment naît un mot d'argot ou une expression d'argot ? J'en sais rien. Je n'en sais rien. Je sais comment un mot est adopté. Il est adopté, il circule. Je pense que bien souvent des mots... Bon, d'abord, il faut bien dire que dans les mots qu'on voit apparaître quelquefois et qui nous semblent nouveaux, sont souvent des très vieux mots d'argot. Ou sont des mots qui existaient en argot, puis qui brusquement... apparaissent dans un milieu plus spécial où, par exemple, le verbe bidouiller. Vous ne pouvez pas rencontrer un informaticien, maintenant, vous lui dites « j'ai des ennuis avec bon, n'importe quoi », il vous dit « je vais vous bidouiller ça », il bidouille. Bon, ben, bidouiller est un mot qui a toujours existé. Bon, on employait au lycée, c'est un mot de potage aussi. Oui, c'est un mot, c'est bricoler, c'est un mot, c'est le bricolage, le bidouillage, c'est le bricolage. Maintenant, c'est devenu presque un mot technique d'informatique, si vous voulez, bidouiller. On observe comme la naissance du mot, il y a des linguistes qui essaient d'observer l'arrivée du mot. Ah oui, bien sûr, ça, on cherche toujours les datations, les trouver, c'est quelquefois pas facile. Malheureusement, c'est souvent, les datations sont malheureusement souvent des littéraires. Oui, quand on les trouve dans un texte. Dans écrit, oui. C'est vrai, mais là, on ne peut pas les trouver ailleurs. On ne peut pas les trouver ailleurs. On n'a pas le droit de dire, j'ai entendu... En bonne rigueur linguistique, en minimum de rigueur linguistique, oui. On ne peut pas... J'ai entendu Quincampoix l'autre jour dire ceci. Dans le dictionnaire du français non conventionnel, bon, pour moi, une datation, c'est la datation d'un texte écrit. Et effectivement... Oui, heureusement, il y a la presse depuis quand même un bout de temps. Alors, oui. on arrive aussi à élargir. Mais il faut se méfier quand même, justement, parce que les mots nouveaux qui apparaissent dans la presse, et surtout qui apparaissaient dans la presse du Second Empire, parce que c'est finalement la presse du Second Empire qui a lancé les jargons dont nous venons de parler, le verlan, le javanais, dont il reste des traces, d'ailleurs. Il reste toujours des traces. Quand on dit d'une fille qui est grosse, la gravosse, c'est du javanais. Mmh. Bon, il reste un mot. Tout à l'heure, le boucher disait, je crois qu'il parlait d'une femme, il disait les lobés. Et lobé est un mot qui existe aussi, qui est un mot qui est maintenant un mot disons populaire, mais je n'aime pas l'expression populaire. J'aime d'autant moins l'expression populaire, c'est que finalement, un des bons livres qui a été écrit sur le langage populaire, c'était le livre de Bauch, d'Henri Bauch après la guerre de 14, je crois qu'il est sorti vers 1920, en 1920, et qui était une enquête sur Paris. Et donc, ça voudrait dire que le langage populaire est un langage urbain, un jargon urbain. Et maintenant, c'est rigoureusement impossible. La télévision ou la radio vous répandent un langage immédiatement. En temps réel, comme on dit. On se rend compte, Jacques Sénard, à travers votre anthologie de la littérature argotique, des origines à nos jours, publiée aux éditions Mazarine, ainsi que par les petits extraits que vous donnez aussi de quelques textes, François Kardec, que cette littérature, justement, est très abondante. Et a été très abondante à travers les époques. Non, mais elle est bourgeoise, hein, faut pas rêver. L'argot se divise, se caractérise nettement de deux côtés. Il y a une réalité populaire, effectivement, qui est une réalité du jeu, du plaisir. C'est une contre-culture très, très efficace. Ça, je reparlerai deux minutes. Et ensuite, c'est le bourgeois qui photographie. Et puis, il y a le fantasme bourgeois qui s'en sert. Qui est les classes laborieuses, dangereuses, mauvaises parleuses, mais comme c'est beau, comme c'est pittoresque. C'est pas étonnant, c'est pas une surprise que la grande vague de littérature argotique avec Bruant, qui était un homme remarquable, mais avec Richepin, des gens comme ça qui étaient moins estimables, qui étaient des bourgeois, Richepin, oui. N'a fait d'argot que pour pouvoir entrer à l'Académie. Vous avez sûrement des écrivains quand même qui ont publié des textes en langage populaire qui étaient eux-mêmes d'origine populaire. Enfin, non. Aucun, vous dites ? Non, pratiquement pas. Il y en a très peu. Très peu. Il y en a réellement très peu. Et pourquoi peu, alors, et à votre avis ? Parce que d'abord, dans un milieu populaire, moi je me suis intéressé qu'à la poésie, mais même si on veut écrire un roman, c'est un peu différent. Même si on veut écrire un roman, si on veut écrire une nouvelle, il faut déjà avoir une certaine culture, c'est bien tout. Bien sûr, dans les milieux populaires autrefois, surtout au siècle dernier, on le trouve réellement, ce sont des gens cultivés qui emploient un langage. Et à votre avis, cette littérature dite argotique a bien reflété cette sorte de langue orale, ou bien il y a vraiment un décalage entre ce qui était la langue parlée et la langue écrite? Elle en a rajouté. Je donne des exemples dans l'anthologie. François Caradec en connaît d'autres, bien sûr, de toute une production des années 1900 jusqu'en 1920, puis jusqu'à une date relativement récente, où c'est complètement de la fabrication bidon. Je veux dire, par là qu'on décide qu'on va écrire la Bible, mais ça peut être fait avec beaucoup de talent. Les dieux verts de Pierre Devaux, c'est drôle, c'est du talent. Mais ça n'a aucune réalité. C'est l'idée que chaque mot qu'on pourrait écrire à propos de la mythologie ou des fables de La Fontaine ou de la Bible ou tout ce que vous voudrez, doit trouver un correspondant argotique. Alors, il y a des textes absolument ahurissants qui deviennent totalement illisibles et d'ailleurs absolument dénués d'intérêt parce que l'auteur s'est dit, écrire argot, Céline a tranché la question, l'auteur s'est dit, écrire argot, c'est ne jamais écrire un mot de français. Or, le gars, le Louchébem de tout à l'heure, il fait très bien la différence. C'est lui qui a eu le mot le plus juste pour définir l'argot au passage. Il a dit c'est un dialecte. Et c'est effectivement un dialecte. Oui, mais ce que vous disiez là est légèrement différent. Vous voulez dire que ce dialecte n'est pas utilisé pour la totalité du discours. Jamais. Oui. Jamais, sauf par des bourgeois frimeurs. Jamais. Le François. Oui, non, mais c'est tout à fait vrai. Non, mais c'est tout à fait vrai. On n'a pas la Divine Comédie complètement en argot. Oui. Jamais. Je cite des poèmes de Robert Desnos. Robert Desnos a écrit six sonnets. Certains sont très très violents. Ils ont écrit sous l'occupation. Le maréchal Duconneau, c'est le maréchal Pétain. Pétrus d'Aubervilliers, c'est Pierre Laval. Et il a écrit des sonnets en argot. Et lui-même s'était posé la question quelques années avant, quand il était surréaliste, que dans le fond, l'entrée de quelques mots d'argot dans des poèmes, ça pouvait, dans la langue, ça pouvait, dans une langue littéraire, ça pouvait créer quand même un petit frisson nouveau, etc. Ce qui prouve bien, et c'est tout à fait exact, vous n'avez qu'à le vérifier, que les surréalistes employaient une langue très très pure, très châtiée. Et que finalement, il n'y a que Desnos, on n'était plus surréaliste à ce moment-là, ne faisait plus partie du groupe, qui s'est mis à écrire de l'argot. Lui connaissait bien les milieux populaires. Bon, il était né réellement dans une épicerie. Il connaissait bien le langage populaire, mais il ne l'employait pas jusque-là. Puis brusquement, il s'est mis à écrire. Si ce n'est pourquoi, parce qu'il voulait être violent. Il voulait être violent. Il voulait choquer. Nous allons écouter maintenant une jeune femme qui, elle-même, je crois, a vécu dans un milieu où on parlait assez souvent l'argot et qui a utilisé l'argot dans ses ouvrages, que vous connaissez bien d'ailleurs, Jacques Sellard, que vous aimez beaucoup. Il s'agit de l'écrivain Evan Hanska. C'est naturel chez moi. J'aime bien que les mots déclenchent des images. Donc, c'est pour ça que j'aime pas tellement le terme d'argot, je préfère langage populaire, parce que c'est les expressions que les gens emploient, ça donne vie à un texte. Ce qui est amusant aussi, c'est j'ai retrouvé des mots donc, du siècle dernier qui ont changé de sens. Par exemple, un rad, maintenant c'est un café, et dans le temps c'était un bordel. Donc, et il n'y a pas si longtemps, parce que j'ai une voisine qui a 70 ans et qui a entendu un jour ses petites filles parler de Rade. Elle dit quand même, vous êtes drôlement grossière. Bah quoi, Rade, c'est un café. Pour elle, c'était un bordel. On dit, après un boudin, maintenant, on dit un cajou, en parlant d'une femme pas à son goût. Et dans ce temps-là, enfin, il y a un siècle, on l'appelait un cabas. Donc, entre un cajou et un cabas, il n'y a pas tellement de... C'est pas tellement éloigné. Il y a moi, il y a un mot qui m'enchante, que j'ai dans ce livre d'argot de l'époque, enfin, ce sont les tyrans radoucis, qui sont les bas de soie. Et bon, quand on ne le sait pas, ce n'est pas évident, mais une fois qu'on vous a dit ce que c'était, ça paraît complètement clair. Enfin, c'est beau en plus, ces tyrans radoucis. Il y a « je vais te botter le doigt terre-l'eau » aussi, et des choses comme ça. Et des expressions « j'ai affûté mes pincettes », c'est-à-dire « je suis partie en courant ». Il y a pas mal d'expressions comme ça pour signifier la fuite. Canon, moi j'employais ça il y a 10 ans avec la bande Marianne Sergent et compagnie. On disait un canon ou un canus d'enfer pour dire un beau mec et tout. Maintenant c'est canon, ça veut dire n'importe quoi, c'est bien, c'est chouette. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Quand un mot a été comme ça, employé dans la pub, moi je laisse tomber. Ça m'intéresse plus. Les mots, c'est marrant de les inventer aussi. Moi j'en invente des expressions et des mots. C'est encore plus rigolo. Comment vous faites ? Moi, ça me vient comme ça. Hein. Enfin, ça me vient comme ça. Il ne faut pas en déduire que j'ai écrit comme ça sans me casser le bol. Hein. C'est pour des moments de bonheur, c'est aussi une souffrance. Enfin, une souffrance, pas exagérée. Hein. L'usine, c'est plus douloureux que ça. Mais bon, on rame pas mal quand même. D'abord, moi, je ne dis pas que je suis écrivain, mais j'espère l'être un jour. Mais je dis que je suis romancière en chambre. Parce que j'écris dans ma chambre. C'est vrai. Et donc j'écris pas si facilement que ça, mais quand je trouve une expression, c'est vrai, quand elle vient comme ça toute seule, je me dis bon, bah celle-là, on devrait comprendre ce que c'est. Quoique je me suis déjà plantée avec mon troisième livre qui s'appelait J'arrête pas de t'aimer, qui était une expression qui était employée par des petits loubards, enfin des jeunes des cités, et ça voulait dire le contraire, c'est-à-dire. Quand un mec disait à une nana t'es belle, ah ouais j'arrête pas d'être belle, ça voulait dire le contraire, tu m'emmerdes, je sais que je suis pas belle, enfin. Et moi j'ai trouvé ce titre là mon troisième livre, J'arrête pas de t'aimer, et je l'ai truffé de mots argotiques et d'expressions et d'autres que j'avais inventées, si bien que il y a un petit loulou un jour qui est venu au salon du livre racheter un livre pour sa copine, qui m'a dit: dis donc, c'est bien ton livre, mais alors tu sais, pourtant je suis de la banlieue, mais j'ai pas tout compris. Alors là, j'ai commencé à me poser des questions, à me dire que... parce que j'aime pas les ghettos, j'aime pas qu'on soit obligé de... Ah, donc je fais un peu cuire avant de servir maintenant, quand même. Cela dit, le langage, c'est un moyen de provocation extraordinaire, et ça m'amuse. J'aime beaucoup quand les gens sont un peu coincedus, arriver et leur balancer deux, trois trucs. Ça, j'aime beaucoup. Dans les cités de mon quartier, c'est vrai, où je connais des gens dont je connais un petit peu le langage, c'est vrai que j'y vais, je parlais un petit peu avec eux, je les écoutais, puis il faut se recycler, c'est vrai. Le langage change, bouge tout le temps, c'est ça qui est intéressant. Et c'est une langue tellement vivante. Il y a des mots qui ne sont pas du tout argotiques, qui sont très classiques et qui deviennent une expression ni populaire ni argotique, mais un petit peu à double sens, enfin... C'est un petit peu malicieux, comme bon, une fiancée ou une promise, c'était on ne peut plus sérieux il y a quelques années, enfin quelques dizaines d'années. Et maintenant, quand on dit ma fiancée, c'est pour rigoler, quoi. C'est mon promis encore plus. Mon casse-dalle, c'est moins beau. Ma laitue, c'est mignon. C'est frais, c'est pas printanier, c'est quand même mieux qu'un cajou, oui. Une gisquette. Ben moi, j'aime bien employer justement les mots qu'on n'emploie plus de temps en temps. Ça me fait rire. était Van Hanske, ça l'est-tu ? Jacques Sellard, oui. Oui, peut-être un dernier mot qui porte sur l'emploi littéraire de l'argot. Je vais prendre, sans trop de discrimination, des écrivains comme Jean Genet, Aragon et Sartre, pour ne pas évoquer le cas Céline, qui ont, tous les trois, et Simone de Beauvoir, à un moment ou à un autre, largement fait usage de l'argot, Sartre en particulier. Mais alors la différence, c'est quand on lit un texte de Sartre et qu'on sait un peu ce que c'est, qu'on sent vraiment ce que c'est que l'argot, c'est pas pour accabler un mort, mais c'est lamentable, c'est affreux, c'est atroce. Simone de Beauvoir, c'est encore pire. On sent que ce sont des normaliens qui ont pris un petit dictionnaire en disant « je vais faire parler mes personnages, etc. » Chez qui ça sonne juste, d'après vous ? Chez Genet. Oui. Céline, bien sûr, et Jean Genet. Ouais. Et alors, dans Genet... Même opinion, vous aussi, regardez, avec les mêmes noms. Oui. Même nom, les autres, c'est plat. Les autres, c'est plat. L'admirable dans Genet, c'est que c'est un français splendide, de toute beauté, un des plus grands prosateurs de notre histoire littéraire, et que le mot d'argot n'apparaît que quand vraiment il a une raison d'être poétique, une raison d'être esthétique, littéraire. C'est tandis le mot juste. C'est le mot juste, exact, et il est pas rare. Fabriqué, oui. Tandis que les autres font de la traduction, se disent c'est une langue étrangère, ce qui est faux, bien entendu, radicalement faux, et se disent il faut tout traduire pour montrer que mon personnage, il parle argomuche. C'est pas ça, hein. Et en 89, vous voyez des écrivains aujourd'hui qui seraient prêts à écrire en argot, enfin dont l'argot serait vivant ? Non, pourquoi faire ? D'abord, qui ? Justement, si je vous pose la question, vous me la renvoyez. Que j'aime bien, Frédéric Dard. Frédéric Dard, naturellement, mais c'est très spécial, parce que Frédéric Dard, lui, il invente ses mots, même. Alors. Oui, c'est différent. Il a un plaisir de la langue, lui, c'est un plaisir du langage, et la langue française, telle qu'elle est figée dans certains dictionnaires dits d'usage, je ne parle pas de celui de l'Académie française même, des dictionnaires d'usage, pour lui, il ne lui suffit pas. Il a besoin d'aller vite. D'abord, comme il travaille vite, il a besoin d'avoir un langage rapide. Mais ça, c'est différent. Ça n'est pas forcément le reflet d'un langage populaire. C'est la volonté d'inventer un langage. Alors là, effectivement... On retrouve du lyonnais, par exemple. Par exemple, on trouve une langue maternelle. Et ça, il y a une longue lignée aussi de réinvention de langage. Je peux tout que je passe au même niveau, mais enfin, dans laquelle on pourrait mettre à la fois Rabelais et Céline, où on utilise à la fois le fond populaire et en même temps, on en rajoute de soi-même, pur cru de soi-même. Oui, il y a tout de même une grande préciosité dans l'argot qui est très très claire, très nette dans Jean Genet, par exemple, c'est-à-dire le souci d'être extrêmement élégant et que l'argot intervienne dans cette élégance pour une élégance supplémentaire. Et maintenant, en guise de conclusion, l'élégante chronique de Philippe Barthelet. Langue des oiseaux. L'argot mérite mieux que la bonne réputation qu'on est convenu de lui faire. L'aimable folklore, à quoi d'aucuns le réduisent, cette rassurante canaillerie pour dialogue de films policiers, doivent faire grincer les dents de Maître Villon bien plus que les corbeaux du gibet. Ceux qui allaient faucher la mer, comme on disait en argot des galériens, ou qui n'avaient de plus sûr horizon que l'abbaye de Mont-à-Regret, l'échafaud, et l'accolante Tortouse, la corde dont parle Marc de Papillon de la Frise, ceux-là n'avaient guère en vue l'esbaudissement du bourgeois. Révérence gardée à leur mémoire, bravons le ridicule et le contresens, puisqu'ici-bas, tout s'achève par des chroniques à la radio, et qu'il n'est pas de langue verte qui ne vire à l'académisme. L'argot est pourtant, de par sa nature même, le contraire d'une langue installée. Nodier observe que tous ces mots sont perpétuellement en fuite, comme les gens qui le parlent. Fuite et conspiration le définissent mieux, s'il faut le définir, que le pittoresque ambigu de la cour des miracles. Quelques-uns ont même fait de l'argot l'héritier très lointain et passablement défiguré de la langue hermétique. Descendance que Fulcanelli étayait d'un jeu de mots, argot et art gothique ne seraient qu'un, la cabale parlée et sculptée, des frimaçons et autres logeurs de l'éternel, les francs-maçons des cathédrales. Il y a là de quoi se récrier, de toute l'énergie de notre nominalisme, non savant de notre frivolité. Nous n'osons plus croire ce que l'argot lui présuppose, que les mots servent à dire quelque chose à quelqu'un. Quelque chose qui n'est pas n'importe quoi, à quelqu'un qui n'est pas n'importe qui. De même que la cathédrale est une architecture d'allusions, de paraboles et d'allégories, en un mot une métaphore en pierre du cosmos, de même le langage obéit à l'harmonie universelle qu'il a pour raison d'être de manifester, et rien n'est moins fortuit que ces jeux, ni moins arbitraire. L'argot le montre bien. Ce que l'on croit forgerie n'est en fait que trouvaille, et nulle trouvaille qui ne se voudrait retrouvaille du parler antécédent, la langue évidente d'avant Babel. Ce que l'on nomme aussi la langue des oiseaux, dont le commun des mortels a perdu l'intelligence. Les oiseaux, en leur latin, doucement chantent au matin, écrivait Chrétien de Troyes, avec toute la nostalgie d'un homme de métier pour le secret perdu. Quia bet aures audiendi audiat, dit l'Évangile, que celui qui a des oreilles entende. Les autres feront des livres ou des chroniques. Le latin est l'argot du bon Dieu. C'était Tiertalangue, l'argot avec Jacques Sellard, qui a publié avec Alain Rey le dictionnaire du français non conventionnel aux éditions Hachette, qui est un dictionnaire extrêmement complet, et l'anthologie de la littérature argotique des origines à nos jours, un livre tout à fait unique pour justement redécouvrir ou découvrir cette littérature argotique aux éditions Mazarine. Et François Kardec, N'ayons pas peur des mots, dictionnaire du français argotique et populaire, qui est publié dans la nouvelle collection que je recommande très vivement, Le souffle des mots aux éditions Larousse. Nous avons entendu des enquêtes de Yannick Pelletier, avec notamment Eva Danska. Nous avons entendu la chronique de Philippe Barthelet. Tout cela dans une collaboration technique de Claude Courteau, le mixage des enquêtes dû à Yann Parentoen et une élégante réalisation due à la sémillante Michèle Dumontier que je tiens à remercier. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 4 janvier 1989. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ». Song I sing for you, humble man of the country who gave me some wood to warm my bones when all in my life had grown cold. You who gave me some fire when decent ladies and gentlemen, all of the well-intentioned folks, had slammed the door shut in my nose. It may have been just a small fire, but still it warmed me to my core, and it burns in me evermore, as bright as a festive bonfire. You, my good man, when you go away, when the undertaker takes your remains, may he drive you across the skies to eternal life. This is the song I sing for you, you the humble hostess who gave me 4 pieces of bread when my rations had grown awful thin. You who opened your cupboard when decent ladies and gentlemen, all of the well-intentioned folks, considered my fasting a joke. It was just bread, a tiny piece, but still it warmed me to my core, and it burns in me evermore, as grand as a sumptuous feast. You humble hostess, when you go, the undertaker will take your bones, may he drive you across the skies to eternal life. This is the song I sing for you, unassuming stranger who gave me a sad and knowing grin when the chief of police took me in. You who did not clap your hands when decent ladies and gentlemen, all of the well-intentioned folks, laughed as I went in the yoke. It may have been just a small smile, but still it warmed me to my core, and it burns in me evermore, as hot as the summer sunshine. You, dear stranger, when you go away, when the undertaker takes your remains, may he drive you across the skies to eternal life.